les belles voitures, c'est Dieu qui m'a donné. C'est ta musique qu'on fait, c'est Dieu qui m'a donné. Et où qu'on aille, c'est la vie qu'on mène. Et où qu'on aille, on a la danger. Qui va braquer mon cœur, on peut pas m'emboucaner. Je leur donne pas l'heure, je suis en showcase toute l'année. Nous ont pas pris au sérieux, aujourd'hui 10 000 pour moi c'est rien. Tu n'as pas de matériel, t'as rien, t'as cassé, pour moi c'est rien. Tu te rappelles quand t'avais rien et tu t'appelais pas NASA. Peut-être j'ai tort mais j'aimerais trop que ça soit comme à l'époque. Enfin c'est mon frère et notre lien ne s'est pas fait par hasard. Le temps il passe mais on s'en fout, on refait comme à l'époque. Piano, piano, t'auras rien au final. Piano, piano, t'auras rien au final. Piano, piano, mais y'a rien au final. Piano, piano, mais y'a rien au final. Mais y'a rien au final. Mais y'a rien au final. Mais y'a rien au final. Mais y'a rien au final. Asomba tuku tuku, asomba tuku tuku, asomba tuku tuku, asomba tuku tuku. Parlons français. Asomba tuku tuku, asomba tuku tuku, asomba tuku tuku. Parlons français. Quatre anneaux, je suis dans le quatre anneaux. Moi j'aime ma vie, je veux pas celle d'un autre. Quatre anneaux, dans le piano. Moi j'aime ma vie, je veux pas celle d'un autre. Tu t'appelles quand t'avais rien et tu t'appelais pas NASA. Peut-être j'ai tort mais j'aimerais trop que ça soit comme à l'époque. Ben c'est mon frère et notre lien ne s'est pas fait par hasard. Le temps il passe mais on s'en fout, on refait comme à l'époque. Piano, piano, t'auras rien au final. Piano, piano, t'auras rien au final. Piano, piano, mais y'a rien au final. Piano, piano, mais y'a rien au final.